Ici Franck Dessort, aujourd'hui l'histoire, le mythe de Napoléon au Canada français. Si vous mettez ce chapeau, si vous mettez la main dans le gilet, que ce soit au Japon, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, on dira Napoléon. Le grand historien Jean Tullard, qui évoquait l'universalité du mythe de Napoléon, un mythe encore bien vivant en Europe, en Asie et même chez nous au Québec, et cela depuis 200 ans. Pourtant, vous vous demandez peut-être, a priori, quel est le rapport entre Napoléon et le Canada français, quand on sait que le Québec, à l'époque de l'Empire, était sous le joug britannique et qu'il avait coupé déjà depuis plusieurs décennies les ponts avec la France. Eh bien, il y en a un de rapport, et on peut même avancer, aussi étonnant que ça puisse paraître, que Napoléon et son mythe fournissent un fil conducteur à notre histoire et ont même contribué à certains égards à la formation et au développement de l'identité canadienne-française. Et ça se vérifie sur le plan politique, sur le plan économique et culturel, y compris dans la chanson populaire. Les chanteurs du Cap Diamant commencent avec une vive chanson sur un air entraînant que connaît depuis l'âge tendre tout Canadien qui, une fois dans sa vie, a manié la rame ou l'aviron. Vive Napoléon! Vive Napoléon! Alors, chanson traditionnelle interprétée par les chanteurs du Cap Diamant, tirée d'une émission qui a été diffusée sur nos ondes en 1951. Un petit témoignage de la présence du mythe de Napoléon dans notre culture populaire, une référence devenue positive avec le temps, mais qui n'a pas toujours été loin de là. Et pour nous parler d'ailleurs de ce phénomène, j'ai le plaisir d'accueillir Serge Joyal, sénateur au Parlement canadien et auteur d'un ouvrage passionnant intitulé précisément Le mythe de Napoléon au Canada français. Bonjour, M. Joyal. Bonjour, M. Dessort. Je vous entendais, là, je vous voyais sourire, évidemment, à cette chanson. Napoléon, marqueur identitaire, fil conducteur de notre histoire. Ce qu'il faut dire, je pense, d'emblée, c'est que les Canadiens français, au moment de l'Empire, au début du 19e siècle, se sont d'abord définis contre Napoléon. Hein, Napoléon, c'était l'ennemi à abattre, l'ennemi implacable. Ben, Napoléon, il faut comprendre qu'à cette époque-là, était perçu comme étant le successeur de la Révolution. C'est l'héritier de la Révolution. Et qu'est-ce que c'est la Révolution? C'est deux choses. D'abord, la Révolution a coupé la tête du roi, ce que les Canadiens à l'époque, ce qu'on appelait les Québécois les Canadiens à l'époque, les Canadiens étaient absolument révulsés par le fait qu'on coupait leur lien avec la France de leurs ancêtres. Il y avait un attachement à la monarchie. Il y avait un attachement énorme à la monarchie. C'était encore, comme je vous souligne, le lien avec la France, c'était représenté par le roi. Donc, Napoléon est l'héritier des exécuteurs du roi. La deuxième chose qu'il faut retenir, et je pense que plusieurs de nos auditeurs et auditrices vont le comprendre, Napoléon étant l'héritier de la Révolution a nationalisé toutes les églises et tout le clergé en France. Donc, ils ont expulsé tous les prêtres et les évêques qui refusaient de prêter serment à la République et donc de se soumettre à l'autorité politique. Et pour les Canadiens français qui avaient comme chef spirituel des évêques et des curés et qui étaient regroupés autour des paroisses, pour eux, Napoléon, encore une fois, l'héritier de la Révolution, donc l'héritier de l'abolition de l'Église, ce qui est absolument contraire à leur façon de vivre. Donc, au début, on combat Napoléon autant que les Britanniques, et même plus que les Britanniques d'une certaine façon. Ah oui, on fait preuve de certains zèles. Ah, et d'ailleurs, absolument. En fait, c'est ça, les notables, le clergé francophone de l'époque, parlaient de conquête providentielle. Hein, absolument, et c'était la réinterprétation de Mgr Plessis, qui était l'évêque de Québec, le grand chef spirituel du Canada français à l'époque. Et pour Mgr Plessis, le fait que nous soyons passés sous la couronne britannique était en fait une chance inouïe, puisque Napoléon aurait vendu le Canada comme il a vendu la Louisiane. Ah, ils avaient une peur bleue de ça. Ils avaient une peur bleue de ça, et pour eux, les Britanniques étaient moins des adversaires que les Américains étaient des ennemis. Comme vous savez, pour les Canadiens français, les Américains, on les appelait les Bostonnais à cette époque-là. Pour eux, les Bostonnais, c'était vraiment l'ennemi qu'il fallait combattre parce qu'ils avaient tenté de s'emparer du Canada, comme vous savez, en 1775. Et c'était les Canadiens français, les Autochtones et la garnison britannique qui avaient réussi à les repousser. Et les Américains, à nouveau, tenteront de prendre possession du Canada en 1812. Et encore une fois, Salaberry, les Canadiens volent à la rescousse des Britanniques pour garder le Canada possession britannique. Et chaque défaite française sous Napoléon était célébrée par les Canadiens français. Et d'ailleurs, on en a un témoignage concret encore aujourd'hui dans le Vieux-Montréal, c'est la colonne Nelson. Absolument. Et la colonne Nelson, elle était financée par une souscription publique. Ce n'est pas le gouvernement britannique qui a payé pour la colonne Nelson. C'est une souscription publique et les plus grands souscripteurs, c'étaient les Sulpiciens et surtout les curés et les prêtres qui avaient réussi à quitter l'Angleterre pour s'en venir au Canada après avoir fui la Révolution. Oui, parce que il faut préciser évidemment que la colonne Nelson, à la gloire de l'amiral Nelson, vainqueur de Trafalgar. Exactement. L'amiral Nelson, c'est lui qui a fini par finalement abolir la capacité de Napoléon de mener la guerre sur les mers. Nelson, c'est la fin de l'Empire maritime français. Ouais. Mais il y avait par contre, M. Joyal, une petite minorité de Canadiens français, admirateurs de Napoléon, qui souhaitaient joindre la Grande Armée et que l'empereur décide d'envahir éventuellement le Canada. En 1805, d'ailleurs, il y a une dizaine d'entre eux de la Montérégie qui signent une pétition qu'ils envoient à l'empereur. Et c'est ce que relate ici l'historien Claude Galarneau. Une pétition, une lettre à Napoléon, envoyé en 1805 par 10 citoyens de la rive sud de Montréal, de Longueuil, de Châteauguay, de Saint-Constant, de l'Acadie, et de Belleuil. Mais alors, regardez l'âge de tous ces gens-là, ils sont très âgés pour l'époque. Et regardez leur discours qui n'a rien de révolutionnaire. Ils font appel à Sa Majesté comme étant le père des peuples. En somme, Napoléon, c'est le relais de Louis XVI. Louis XVI est mort. Mais tout à coup, Napoléon arrive, il gagne des batailles, donc il sacre une volée, je m'excuse, aux Anglais, et puis les Canadiens, ils sont contents. Même les nobles qui sont férocement contre-révolutionnaires et qui n'aiment pas trop Napoléon. Mais tout à coup, il devient empereur. Donc, il a reçu l'onction sacrée. Et puis c'est le pape qui la lui a donnée. Alors, quelques Canadiens, dont le premier s'appelle Pierre Trudeau, c'est un nom prédestiné. Et puis, ils écrivent à Napoléon. Et il y en a deux qui partent, qui pourraient porter la lettre à Napoléon, lui disant « Venez nous délivrer, et puis on est prêt à marcher avec vous si vous venez. » Mais ça ne va pas plus loin que ça. Oui, si vraiment il y en avait eu d'autres, il y aurait peut-être eu des centaines de pétitions avec des milliers, des dizaines de milliers de noms. 10 personnes, c'est amusant. Ça ne fait pas une révolution. La lettre écrite par 10 personnes que personne n'a vue. Jamais, jamais avant que Joseph Edmond Roy la retrouve en 1885 ou 86 dans les archives de Paris, on en avait parlé. Alors Pierre Trudeau, ça sonne quelques échos pour vous. C'est l'ancêtre d'ailleurs de Pierre Trudeau. Ah oui? C'est le Trudeau de Saint-Constant. Et comme vous savez, M. Trudeau est inhumé au cimetière de Saint-Constant. C'est le terrain familial, enfin le caveau familial est là. C'est l'ancêtre de M. Trudeau. Et je ne veux pas faire un lien trop tiré par les cheveux, mais vous savez que Pierre Trudeau était un admirateur forcené de Napoléon. Voilà, donc la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Mais il n'y a pas eu vraiment de suite à cette démarche, cela dit. Non, il n'y a eu aucune suite. L'âge moyen des signataires, que M. Galarneau mentionne, est d'environ, je crois, 68 ans, 72 ans. Ouais. Ce sont des nostalgiques, finalement, de la monarchie française, qui écrivent. Et d'ailleurs, Napoléon n'a jamais vu la lettre et on ne croit pas non plus que Talleyrand, qui était le ministre des Affaires étrangères, ait vu la lettre non plus. Elle s'est perdue quelque part à Bordeaux parce que les deux émissaires, évidemment, le père et le fils se sont rendus à Bordeaux. Le père est décédé à Bordeaux suite au voyage et puis on ne croit pas qu'on a perdu la trace du fils. On ne sait pas vraiment si la lettre a été lue par un. Mais il y a certains Canadiens français qui ont quand même fait carrière au sein de la Grande Armée. Ah oui, absolument. Ah oui, bien sûr. Pour en parler brièvement. Oui, bien sûr. Il y a les De Liry. Alors, les De Liry, évidemment, c'est une famille noble qui, comme vous le savez, était acquittée à Québec en 1760 et surtout au moment de la signature du traité de Paris. Et l'un d'eux est devenu un des hommes de confiance de Napoléon. Et il y a eu quelques Canadiens français qui étaient évidemment retournés en France, qui ont joint l'armée impériale, et qui se sont illustrés. D'ailleurs, sur l'Arc de Triomphe à Paris, quand vous lisez les noms de toutes ces personnes, de tous ces soldats glorieux, le De Liry est là, et les Martins également, qui avaient servi au Québec. Alors, il y a un lien ténu, mais il y a un lien entre ces familles et leur séjour au Canada. Et M. Joyal, sur le plan économique, les guerres napoléoniennes et le blocus continental décrété contre l'Angleterre auront eu quand même un effet positif pour l'économie. Un effet énorme. C'était le début de l'industrialisation du Canada. Pourquoi? Pour une raison très simple. Napoléon décrète le blocus continental à l'égard de l'Angleterre. Il veut, en somme, étouffer le commerce de l'Angleterre. L'Angleterre est une île. L'Angleterre a besoin, évidemment, d'être sur les mers pour pouvoir diriger ses armées, son commerce. S'il étouffe l'Angleterre, l'Angleterre n'a plus le bois requis pour construire des navires. Et la force des Britanniques, c'est vraiment la force navale. Où y a-t-il du bois, pas trop loin de l'Angleterre, au Canada? Et où sont les chantiers maritimes? À Québec. Donc, c'est le début des chantiers maritimes de Québec et le début du commerce du bois. Et c'est le début, en somme, de l'industrialisation du Québec 20 ans avant la réforme industrielle. Et dans plusieurs régions du Québec, vous savez que cette situation-là, elle a catalysé l'industrie forestière, notamment en Outaouais. Et c'est ce qu'expliquait justement le journaliste Marc Gauthier à notre antenne. En 1806, l'Angleterre et la France sont en guerre. Napoléon, incapable de s'imposer en mer, essaie de ruiner la Grande-Bretagne en lui bloquant l'accès au continent. Les Anglais ne peuvent plus s'approvisionner en Europe, ce qui les empêche notamment d'obtenir le bois nécessaire à la construction de leurs navires. La Grande-Bretagne n'a plus le choix, elle doit faire appel à sa colonie d'Amérique pour maintenir sa flotte. Cette demande fulgurante pour la ressource forestière outaouaise va attirer des milliers de colons, des bûcherons, des fermiers, et puis arrivent des arpenteurs, des tisserands, des avocats, dans une région en plein essor, peuplée tout à coup d'Irlandais, d'Anglais, d'Américains, de Canadiens français. Une économie et une culture se mettent à fleurir. Alors, après l'exil à Sainte-Hélène, après la mort de l'empereur Napoléon, Napoléon devient progressivement une figure historique positive. Alors, qu'est-ce qui explique ce retournement-là? C'est assez fascinant. Le retournement, c'est les Britanniques eux-mêmes. Enfin, le mythe de Napoléon, c'est les Britanniques qui l'ont créé au départ. Pourquoi? Pour la chose, l'argument très simple, c'est que quand vous êtes victorieux, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, comme dit l'adage. Les Britanniques avaient réussi à finalement terrasser l'homme le plus puissant d'Europe. Hein, parce que Napoléon régnait non seulement sur la France, mais régnait sur l'Espagne, sur le Portugal, sur l'Italie, sur tous les territoires avoisinants. Et par conséquent, si vous réussissez à vaincre un ennemi super puissant, eh bien vous êtes hyper puissant. Par conséquent, pour les Britanniques, au lendemain de la victoire, au lieu de dire « business as usual », on oublie tout et on continue, ils ont dit « non, on va démontrer que c'est nous qui sommes les plus puissants. Par conséquent, on va magnifier l'homme de Napoléon et on va démontrer comment, dans toutes ces victoires, nous avons été les vainqueurs. » Et ce faisant, ils ne se rendaient pas compte qu'en fait, ils réhabilitaient Napoléon. Et non seulement le réhabilitait-il, mais ils ont commandé de grands panoramas, comme celui de Sainte-Anne-de-Beaupré, qu'on a sauvé l'été dernier. Oui, c'est ça, circulaire. C'est vrai, circulaire, cette espèce de cinéma IMAX, si vous voulez, avant le temps. Et ces grandes toiles circulaires sont venues à Montréal dès 1817 et à Québec en décembre 1816 pour faire voir quelle était l'ampleur de la bataille de Waterloo et comment les Britanniques avaient réussi à vaincre Napoléon à Waterloo. Mais pour les Canadiens français, ce qu'ils ont retenu de cela, c'est que finalement, Napoléon résistait aux Anglais constamment. Ouais. Et c'est ça qui est resté dans l'esprit des Canadiens français. Et pour les Anglo-Saxons, les Américains, ça nourrissait tout à fait ce mythe aussi du self-made man. Ouais, Napoléon, c'est ça, par exemple. Napoléon, c'est l'homme parti de rien. Ouais. Non seulement il n'était pas né en France, il était né en Corse, une petite île à l'époque perdue dans la Méditerranée. Il avait immigré en France et à l'école, il se faisait harceler dans la cour d'école. Il ne parlait pas bien français. Il avait un accent, évidemment, corse. Et puis, c'est l'homme qui, avec les capacités personnelles qui se donnent, l'ambition qu'il motive, la vision qu'il nourrit de l'État, finit par devenir empereur. Alors, avec rien, avec aucune fortune personnelle, avec aucune relation personnelle, c'est vraiment à la force du poignet qu'il réussit à s'imposer. Et ça, pour les Américains, c'est le rêve suprême. Regardez Mark Zuckerberg, qui est 72 milliards de dollars, 33 ans. Et là, je lisais dans le New York Times, il pense qu'il peut être président des États-Unis. C'est le rêve napoléonien à son meilleur. C'est ça. Et donc, évidemment, ça s'est traduit aussi par une popularité auprès des familles canadiennes françaises. Tout le monde avait un Napoléon, une Joséphine dans la famille. Ouais, je pense que c'est l'école dans votre propre famille. Ah non, oui, bien sûr, j'avais un oncle Napoléon. Et puis, dans toutes les familles, il y avait une tante Joséphine, un Napoléon. Il y avait une Hortense, évidemment. Ouais. Hortense étant la fille de Joséphine, du premier mariage de Joséphine. Et c'était les prénoms les plus populaires au Québec au milieu du 19e siècle. Et même dans ma famille, qui était quand même... 20e siècle, il y avait encore des Napoléons, il y avait encore des Joséphines, et je retrouve toutes sortes d'artefacts au prénom de Joséphine et de Napoléon. C'est vraiment présent dans la culture populaire. Le mythe est passé vraiment, d'une certaine forme de la bourgeoisie à l'intérieur des chansons, à l'intérieur des contes, à l'intérieur de tout, finalement. De tout, de la culture juridique, évidemment, on pourrait Le code civil, le code évidemment. Civil, le code, moi, Napoléon. Le code civil, écoutez, moi, quand j'étais jeune, évidemment, ma mère disait le code Napoléon. Puis là, je dis, mais c'est quoi ça, le code Napoléon? Ah ben, c'est Napoléon qui nous l'a donné. Évidemment, Napoléon n'a pas donné le code civil. Le code civil du Québec date de 1865. Napoléon était décédé depuis 1821. Mais le code civil du Québec, du Bas-Canada, qu'on appelait le Québec à l'époque, s'est inspiré du code Napoléon. Et Georges-Étienne Cartier, qui était le promoteur de cette idée-là, savait très bien que s'il vendait le code civil comme étant le code Napoléon, que les Canadiens français allaient l'adopter. Alors, c'est dire comment il y avait un retournement historique incroyable. Oui, et puis le marketing. Enfin, utiliser le nom de Napoléon pour mettre en marché un produit... À tout coup, ça fonctionne. Alors, c'est devenu une marque, en tout cas, aussi très, très rentable pour les leaders nationalistes canadiens-français. C'est devenu une référence, un modèle, en quelque sorte. Hein? Ben oui, parce que, évidemment, Napoléon ayant résisté aux Britanniques, il faut se battre comme Napoléon. Et dans tous les débats qui ont entouré, évidemment, la rébellion de 37-38... Papineau, on répétait la phrase, évidemment, célèbre, « La garde meurt et ne se rend pas, les boys jusqu'au bout ». Alors, c'est vraiment ça le substrat, si vous voulez, idéologique qu'il y a derrière la rébellion. C'est en fait une inspiration napoléonienne. Et plus tard, c'est devenu aussi le modèle de leader charismatique pour quelqu'un comme Lionel Groulx. Ah, absolument. Parce que, évidemment, Lionel Groulx, à l'époque de son éducation au séminaire de Sainte-Thérèse, dans tous les collèges classiques de l'époque, et moi-même, je l'ai vécu, on donnait des sujets de dissertation. Et les sujets de dissertation, ça devait être évidemment autour de la vie de Napoléon, mais la vie moralisante de Napoléon. Et qu'est-ce qu'on mettait en valeur? On disait, vous êtes près du tombeau de Napoléon à Sainte-Hélène, que vous inspire-t-il? Puis là, comme étudiant, vous deviez réfléchir à trouver quelque chose de moralisant, parce qu'évidemment, c'est un prêtre qui corrige votre copie. Alors, on dit, ben, Napoléon a commis des erreurs, il a commis des fautes, mais il s'est repenti à la fin, il s'est confessé, ouais. Et puis, ben, voilà, évidemment, il est dans la paix éternelle. Alors, vous l'avez dit, donc, très présent, ce mythe-là, dans la culture populaire, on l'a vu dans les caricatures, Les caricatures, écoutez, M. Dessauge, oui. Comme disait Alban Flamand, autrefois Radio-Canada, je vous arrête. Il n'y a pas un homme politique au Québec qui a eu un peu de pouvoir, qui n'a pas été caricaturé sous les traits de Napoléon. Oui, comparé à... Il suffit qu'un homme politique prenne une position de décision autocrate, voilà. Et puis le lendemain, il est dans une caricature avec le bicorne, la main dans le gilet, et puis évidemment le corps bien raide. Alors ça, c'est dans la culture populaire. Au théâtre, il y a la fameuse tragédie d'Edmond Rostand, L'Aiglon, met en scène le fils de Napoléon et donc de Marie-Louise d'Autriche, qui était le duc de Reichstadt, qui est mort très jeune à 21 ans, je crois. Oui. Donc, c'est une pièce qui a été jouée souvent dans les collèges classiques au Québec dans les années 30, 40, 50, jusqu'au dans les années 60. Écoutez, dans la pièce L'Aiglon, il y avait un souffle romantique, c'est-à-dire le jeune qui, évidemment, est banni de son foyer. On ne lui permet pas de parler français à la cour d'Autriche. C'est ça. Il abandonne sa langue. Son père, évidemment, est lointain. Il est hanté par la mémoire de son père. Oui, il y a une sorte de parallèle, ouais, avec, vous savez, l'identité québécoise, ouais, le Québec abandonné par la France, nos racines lointaines avec un passé glorieux. Tout ça est sous-jacent à cette pièce-là. Et tous les les collèges classiques, la pièce est au programme. Il fallait non seulement apprendre les tirades, mais il fallait aussi la jouer à la fin de l'année. Dans tous les collèges classiques, j'ai retrouvé des programmes au Collège Sainte-Marie, au Collège Saint-Laurent, au Collège Brébeuf. C'était le passage obligé. Absolument. Alors, avec le temps, M. Joyat, donc le mythe de Napoléon au Canada français, il s'est adapté, hein, on peut dire. Tout le monde s'est bâti son mythe, hein, selon ses intérêts, ses désirs. Tout le monde s'est inventé un peu son Napoléon. Oui, mais c'est la force des mythes, monsieur de Sors. Il faut comprendre une chose, c'est que les peuples vivent avec des mythes, n'est-ce pas? Les Français vivent avec un mythe d'une influence universelle. C'est le mythe français par excellence. Les Américains vivent avec le mythe de la conquête. Ça reste, ça explique l'imaginaire américain. Et le mythe de Napoléon, pour nous, pour les Canadiens français, c'est ce qui nous rattache à une certaine forme d'universalisme. On est un peuple d'une population évidemment petite par rapport à l'Amérique du Nord. On veut garder notre langue, on veut garder notre culture, on veut s'affirmer, on veut être présent, on veut être reconnu. Et pour pouvoir se rattacher à quelque chose d'universel qui nous fait sortir de notre milieu, il faut qu'on ait des inspirations, il faut qu'on ait une certaine forme d'idéalisation. Ouais. Et Napoléon reste inconsciemment cette force d'inspiration. Et pour les hommes politiques, une inspiration aussi dans la gestion de l'image. À la gestion de l'image, ça c'est formidable. Écoutez, je vous demande d'aller voir l'exposition au Musée des Beaux-Arts qui débutera au mois de janvier, intitulée « La maison de l'empereur ». Napoléon avait développé au point parfait l'art de se mettre en scène. Tous les politiciens actuels se mettent en scène. Le maire de Montréal se met en scène, le maire de Québec se met en scène. Quand M. Coderre descend dans l'égout collecteur, quand il va casser une dalle de béton avec le marteau piqueur, quand M. Trudeau se met dans une foule et puis prend des selfies, serre des mains, embrasse tout le monde, il se met en scène. Et Napoléon était celui qui a, j'oserais dire, développer l'art consumé de se mettre en scène. Il avait toute une série de conseillers, d'organisateurs des événements qui revisaient avec lui chaque fois où il devait apparaître en public, dans une cérémonie ou dans une victoire, pour démontrer comment lui-même était au-dessus et l'évitait d'une certaine façon, c'est-à-dire réussissait à dominer la situation. Et cette façon de communiquer avec le public, c'est Napoléon qui est le prototype, sans partage de ce qu'est la communication politique aujourd'hui. Voilà, donc Napoléon, génie des médias et inspirateur évidemment des hommes politiques modernes. C'était fascinant, M. Joyal. Je rappelle que notre invité, Serge Joyal, sénateur, est l'auteur d'un ouvrage intitulé « Le mythe de Napoléon au Canada français », publié chez Delbusso. Merci beaucoup encore une fois de votre participation à l'émission. C'est ce qui complète cette édition d'Aujourd'hui l'Histoire. L'équipe aujourd'hui à la recherche Caroline Morin et André Martineau, à la recherche d'archives Mario Bolduc, site internet Mathieu Arsenault, technicien Steve Côté. Aujourd'hui l'Histoire est une réalisation de Mathieu Beauchamp. Et si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Franck Dessort, au nom de toute l'équipe, merci de votre attention et à la prochaine.